be home? No idea. Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Bonsoir à tous. Salut Alex. Salut Cédric. Et bienvenue au Beau Bizarre pour une émission qui va nous faire voyager un petit peu aujourd'hui sur pas mal de genres musicaux. Alors, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Mais absolument. Oh oui, bon, alors on vous rassure quand même avant de continuer. Hein, Fabrice nous rejoindra à partir de la semaine prochaine. Là, il a pris quelques semaines de vacances supplémentaires, mais bon, il les a bien méritées. Oui. Puis il nous prépare en plus de très très belles choses pour sa rentrée. Et je pense effectivement que les vacances lui auront permis d'affiner ses choix pour les futures émissions. Oui. Alors on va commencer cette émission par The Berks and Nipple. Alors Berks and Nipple, c'est un duo qui a sorti un premier album Form of dont on va écouter un premier morceau qui s'appelle Flapping. Alors les caractéristiques principales de leur musique, en tout cas sur ce premier album, c'est d'abord, comme vous allez pouvoir l'entendre, une solide section rythmique qui est accompagnée principalement par des claviers vintage avec en garniture, si je puis m'exprimer ainsi, des boucles en tout genre. Alors voilà, maintenant on va écouter Flapping de Berks and Nipple. Thank you. Beyrouth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation américaine qui est influencée par les folklores, hein, qu'ils soient européens ou américains. Et de ce métissage résulte un univers poétique et lyrique. Alors, La Llorona était sortie sur l'album The March of the Zapotec, qui était le 5e album de Beyrouth. En fait, il s'agissait plutôt d'ailleurs d'un... plus précisément d'un double EP, puisqu'on trouvait aussi dans le CD notre EP... Real People Holland, qui était beaucoup plus une musique électropop. Alors Alex, on enchaîne avec maintenant une de tes dernières chouchous en date. On enchaîne avec une artiste américaine aux multiples talents, puisqu'elle est à la fois chanteuse, peintre, actrice. Il s'agit de Little Annie Anxiety ou Little Annie Bandez. Enfin, il y a plusieurs pseudos en tout cas. Voilà, donc chanteuse américaine, donc, dont là je vais passer un morceau qui s'appelle Vietnam Not Mine, El Salvador Yours, qui était tiré de son premier album Soul Possession, sorti sur le label de Adrian Sherwood On New Sound au tout début des années 80, c'était en 1983 pour être précis, et l'album vient d'être réédité, remasterisé en 2011, et vraiment je crois que c'est un disque qu'il faut absolument posséder, puisqu'on y retrouve à peu près disons, tout ce qui va faire un petit peu l'attirail de la musique expérimentale, industrielle. Enfin voilà, Little Annie, elle a travaillé à la fois avec Coil, avec Marc Almond, avec Kid Congo Powers, avec donc Adrian Sherwood, plus récemment avec Anthony Egarty de Anthony and the Johnson, puisqu'il aura même, d'ailleurs, il lui a produit un album sorti en 2007 qui s'appelle Songs from the Coleman Canaille. Voilà, et donc on y va pour Viet Not Mine, El Salvador Yours. It's just a game. It's not forever. It's not forever. It's not forever. It's not forever. It's not forever. It's not forever. It's not forever. It's not forever. It's just a game of death and cards. It's not roulette. It's just a game. A tiny war. A plastic gun. A rubber noose. It's just a game. The same effect. The same defect. It's just a game. The same effect. The same defect. The 3,000 monkeys that you dead sent. And electrocuted. They could be men. They could be men. They could be men. They could be men. They could be men. Thavius Beck, le morceau Away, un morceau d'ailleurs dont il existe un remix signé Flying Lotus. Alors Away utilise d'ailleurs aussi un sample d'un titre d'Earth, Wind & Fire qui s'appelle Getaway. Vous pouvez retrouver ce morceau sur l'album Dialogue qui propose une musique très électro-hip-hop avec un spleen communicatif. Alex, on va enchaîner, je crois, maintenant avec... Alors, un groupe de LA, qui s'appelle LA Vampires, justement. Alors, il est essentiellement formé par Amanda Brown, donc chanteuse et clavier, qui est là aidée par les Matrix Metals sur ce morceau qui s'appelle So Unreal, tiré de l'album du même nom, sorti sur Not Not Fun en 2011. Alors là, je disais tout à l'heure à Cédric que ça pouvait ressembler justement à certains titres de Annie Anxiety qu'on a écouté un peu plus tôt dans l'émission, parce que c'est un mélange de dub, de son synthétique très années 80, avec quand même un côté un petit peu assez bancal, notamment dans la voix, vous allez vous en apercevoir, mais c'est quand même un petit peu plus frais, on est quand même à LA, hein, c'est pas les univers sombres de l'underground anglais, quoi. Je vous laisse avec LA Vampires So Unreal. I'm not afraid to die. You say a one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's rock the... yes, yes, y'all, a freak, freak, y'all, a funky beat, y'all. And then you rock and roll, and then you roll and rock, and then you rock to the beat. They just don't want you to stop, cause I'm the S to the B, double O and Y, the one MC who you can't deny. Cause I'm the baby maker, I'm the woman taker, I'm the cold crushing lover, the heartbreaker. So come on, fly girls, and please don't stop, cause I'm MC Spoonie G1, and hit the top of young ladies, I rock on. Say I was driving down the street on a stormy night, to say up ahead, there was a terrible fight. There was a big fine lady, she was crossing the street, she had a box with the disco beater. So I hit my brakes, but I'm not all there, I missed a young lady, but only a hit. And then I took me a look, I said, la-di-da-di. A big fine girl, she had a hell of a body. Then she looked at me, and then she started switching. So I took my keys out of the ignition, got out the car, and kept my mouth shut, because my 2020 vision was right on her butt. I caught up with her, I said, you look so fine, I swear to God, I wish you was mine. She said, hey, boy, you're Spoonie G. That's right, honey, how do you know me? She said, Spoonie G, you're all the same, and everybody who disco, I know your name. I said, come on, baby, it's not too far, we're going to take a little walk into my car. I said, we got to the car, then we sat in the seat, and then the box was rocking to the funky beat. And then I looked at her and pushed the seat back, turned off my box and put on my 8-track. And then I started rapping without no pause, cause my mind was just getting in those joints. And then I got in the straw, we started doing to the beat, and started doing like just started doing the freak. Yes, yes, y'all, a freak, freak, y'all. Cause I'm MC Spoonie G, I wanna be known as a metropolitan of a microphone. Cause I'm a man's strength, and I'm a woman's pet, and I'm known as the man's joy. And I'm a man who fights on the microphone, and who all the people enjoy, y'all. Yes, yes, y'all, a freak, freak, y'all. And don't stop, I keep on. See, I was banking and a freaking at a disco place. I met a fine girl, she had a pretty face, and then she took me home. You say the very same night, the girl was on and she was out of sight. And then I got the girl for 3 hours straight. I thought I had to go to work, so I couldn't be late. I said, where's your man? She said, he's in jail. I said, come on, baby, cause it's telling the tip. Cause if it comes at me and then he wants to fight, see, I'ma get the man good and I'ma get him right. See, I'ma roll my bell and keep the bullets still. And when I shoot my shot, I'm gonna shoot to kill. Cause I'm a Spoonie Spoon that don't mess around. I drop a man, we stand right there on the ground. You see, from Africa to France, say the term. I go to make a love and then I keep it to myself. So no one's gonna know what I'm doing to you. Your sister, brother, niece, you know your mother, father too. I take that, y'all. And don't stop. You keep it on and on and on and on. And like a hot butter on. Say what's the popcorn, young ladies? A rock on. A fly guys. And what a big surprise. Cause I'm MC Spoonie G, don't take no mess. I'm from the north, the south, I'm from the east to west. Cause everybody know MC Spoonie G, the best of young ladies. A rock on, y'all. A rock. Run, but you can't hide. And when the cops back, your face turn pale. Like, I'ma tell you a little story about the jet. They say a jet is a game and it's called survival, and they run it down to you on your first arrival. They tell you what you can and cannot do when it's to go to jail. Watch your poo-poo. But when you're going to shower, he's a fool in his meat, and he's been looking at you and say you look real sweet. And that first day it was one, now 10 walked in. Now how in the hell do you expect to win? I think you better look alive, that life you take dope. And please, my brother, don't drop the soap. When it's to get out the bathroom and you're alive, I just remember my only man can survive in jail, of course, cause when you're doing 15 years, you got no more. You just have a war, you never get no trim. You find a corner, corner, find a boom, you hear my yes, yes, y'all. I'm free, free, y'all. It don't stop, I keep on, I choose the shell shot. I'm like a lime to a lemon and a lemon to a lime. I keep the fucking beat to say I pass the time. I like a lemon to lime, I like a lime to a lemon. I MC could attract all the women, cause I'm Spoonie G, and I wanna be known that as the legend politician of the microphone. Yes, yes, y'all. I'm free, free, y'all. So just clap your hand and just stomp your feet. Sur la compilation Big Apple Rapping, qui est une compilation de 16 titres, 2 CD. On peut d'ailleurs aussi l'avoir en vinyle, hein, ça fait 4 vinyles. Avec en plus un livret épais, plein de photos, un texte conséquent. Hein, donc on doit tout ce beau travail aux artisans compilateurs de Soul Jazz. Le thème de cette compile, vous l'avez peut-être compris, c'est le rap naissant. Notez d'ailleurs que Big Apple Rapping était alors la première compilation que le label de Soho consacrait au mouvement hip-hop naissant. Voilà, alors on va enchaîner maintenant avec quoi d'ailleurs? Je ne me souviens plus, Alex. Complètement changé de ah bah oui, de c'est, genre, c'est pour ça que je m'en souvenais plus. Là, on va aller un petit peu en Angleterre, on va lâcher les États-Unis sur le... qui on était là depuis un petit moment, et puis donc on va en Angleterre pour retrouver Genesis Peoridge, Chris Carter, Kosé Fanny, en gros TG, pour le titre Distant Dreams Partout. C'était la phase B du 45 tours Adrenaline, sorti en 1980, bien sûr chez Industrial Records. Voilà, un morceau et on va dire électropop de Strobing Gristle, ouais. Bien sûr. Donc beaucoup plus marqué par... Chris Carter. Chris Carter. Justement, le côté Chris Carter dans leur musique. Thank you. Bézambe, le morceau La Plage sur l'album Libre qui a été enregistré en 1974 et qui est ressorti en 2004 grâce au label Mio. Alors Philippe Bézon, pour le présenter très succinctement, c'est un docteur en chimie qui a travaillé au CNRS et qui fut l'un des pionniers de la musique électronique. Il a monté de nombreuses formations au cours des années 1970. Et d'ailleurs, ces disques sont fort recherchés par les amateurs de musique progressive. On va continuer maintenant, Alex, avec... Et pour d'ailleurs terminer, je pense, hein, avec Caretaker. Oui, je pense. Caretaker, il s'agit de Jim Kirby, un Anglais, encore une fois, qui va nous proposer une musique assez fantomatique, quelque part entre le monde des esprits et le monde des humains. On n'est pas très loin des ambiances d'un de ses compatriotes, hein, Stephen Wilson, sous le pseudonyme de Basse Communion, je pense à des albums comme Loss ou Ghost on Magnetic Tape. Voilà, très évanescent. Il tire son nom du film Shining et du personnage principal, Jack Torrance, qui était le caretaker de l'hôtel. Oui. Et donc voilà, hein, je vous en dis pas plus, mais on peut comprendre un petit peu l'ambiance musicale. On finira donc là-dessus. On vous dit une bonne fin de soirée et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Fabrice. Salut à tous. Salut à tous. Thank you. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. I'm a toilet with no seat, flushing tradition down. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a sentimental song. Louvrez, Alexandre, je joue pas à la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? J'aimerais bien que vous me lisiez ce qui est écrit derrière la couverture. Rien à savoir. Et qui est une. Provisoirement une profession de foi. Si on veut. Une profession de non-foi. Exactement. Un soir, j'ai cessé de me blasphémer. Je me suis prosterné à mes genoux. Je me suis adoré, enfin.